Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 70. De l'injustice dans les témoins. Y a-t-il nécessité de témoigner? Du nombre des témoins, de la récusation des témoins, du faux témoignage. 1. Est-on tenu de rendre témoignage? Votre témoignage est-il exigé selon les formes du droit par l'autorité compétente? Vous êtes obligé de le rendre sur les faits connus publiquement ou dont le bruit public commence à s'emparer, mais non sur les autres. Si vous n'êtes pas appelé dans les formes du droit, bien que votre témoignage soit réclamé et qu'il s'agisse de délivrer un homme accusé injustement, vous devez manifester la vérité, selon cette parole, « Délivrez le pauvre et l'indigent des mains du pécheur » Psaume 81:4. Mais, dans le cas où votre témoignage ne peut aboutir qu'à une condamnation, vous n'êtes pas obligé de parler, tant que l'autorité ne vous y force point, car votre silence ne nuit à personne en particulier. Le péril où se trouve l'accusateur ne vous fait pas une loi de prendre sa défense, il s'y est exposé de son propre mouvement. Note. Quant au secret, s'il s'agit de celui de la confession, le prêtre ne doit d'aucune façon en rendre témoignage, car il ne sait la vérité que comme ministre de Dieu, et le sceau du sacrement l'emporte sur tout précepte humain. Pour les autres choses secrètes, il en est que l'on doit révéler aussitôt que l'on en a connaissance, celles, par exemple, qui compromettent le salut spirituel et corporel de la multitude, ou qui doivent causer une perte considérable à quelqu'un, garder le silence à leur égard, ce serait alors violer la fidélité que l'on doit à ses semblables. Il en est d'autres aussi que l'on n'est point tenu de divulguer, pas même sur l'ordre des supérieurs, parce que le droit naturel nous oblige à garder la foi promise, on ne peut rien prescrire à l'homme contre un tel droit. Fin de la note. 2. Le témoignage de deux ou trois témoins est-il suffisant? Nous lisons dans l'Écriture, un homme sera condamné à mort sur la déposition de deux ou trois témoins. Deutéronome 17, 16 et 19, 15. Donc ce témoignage est suffisant. Le philosophe le remarque avec raison, toutes les matières ne comportent pas le même genre de certitude. Dans les jugements et les témoignages qui ont pour objet les actes contingents et variables, on chercherait en vain la certitude démonstrative. Il y suffit donc de la certitude probable ou morale, qui, conforme à la vérité dans la plupart des cas, peut néanmoins s'en écarter parfois. Or, comme il est vraisemblable que la vérité se trouvera dans le témoignage de plusieurs individus plutôt que dans la parole d'un seul, il a été établi avec raison par le droit divin et humain que, quand l'accusé est seul à nier devant plusieurs témoins unis à l'accusateur pour l'affirmative, on s'en rapportera à la déposition des témoins. On en requiert deux au moins, et trois pour une plus grande certitude. Note. Il est nécessaire, pour obtenir la certitude de morale, que les témoins ne soient pas en désaccord sur certaines circonstances principales qui changent la substance du fait, par exemple, sur le temps, le lieu, les personnes, car, s'ils diffèrent sur de tels points, ils semblent parler de faits divers, et leur déposition n'est plus qu'un témoignage individuel. Dans le cas où ce désaccord existe parmi les témoins à charge et parmi les témoins à décharge, égaux en nombre et également dignes de confiance, le juge, qui doit être toujours plus porté à absoudre qu'à condamner, prononcera en faveur de l'accusé. Certains canons, qui exigent, à l'égard des évêques, des prêtres, des diacres et des clercs de l'Église romaine, un plus grand nombre de témoignages, sont motivés par les dignités mêmes de l'Église, auxquelles on n'élève que des personnes dont la sainteté offre des garanties plus grandes que la déposition de deux ou trois témoins. Les hommes établis pour juger les autres ayant d'ailleurs, la plupart du temps, beaucoup d'ennemis, on ne doit pas croire aisément aux témoins qui déposent contre eux. L'Église a considéré, en outre, que la condamnation de ces ministres déprécie, dans l'opinion des fidèles, son propre honneur et son autorité, ce qui est un mal plus grand que de tolérer quelques individus dont les fautes ne causent pas de scandale par leur énormité ou par leur publicité. Fin de la note. 3. Un témoin non coupable peut-il être récusé? La probabilité qu'un témoin n'aura pas la fermeté nécessaire pour rendre témoignage à la vérité résulte parfois d'une faute antérieure, ainsi les infidèles, les infâmes et ceux qui sont eux-mêmes coupables d'un crime public, perdent le droit d'accuser. Cette probabilité naît aussi de causes qui n'impliquent aucune faute, d'un défaut de raison, par exemple, comme chez les enfants, les aliénés et les femmes, ou de certaines circonstances particulières, comme la parenté, la domesticité, l'esclavage, et autres. Par conséquent, un témoin peut être rejeté, ou pour une faute commise par lui, ou sans qu'il y ait aucune faute de sa part. Note. Le principe, que tout homme doit être présumé bon, tant qu'on n'a pas la preuve de sa malice, n'est applicable qu'au cas où l'on ne s'expose point à compromettre les intérêts de quelqu'un. Fin de la note. 4. Le faux témoignage est-il toujours un péché mortel? Le faux témoignage contient une triple difformité, celle du parjure, car les témoins prêtent serment, sous ce rapport, il est toujours un péché mortel, celle de l'injustice, à ce point de vue, il est mortel dans son genre, comme toutes les injustices, celle du mensonge même, et, de ce côté, il n'est pas nécessairement un péché mortel. Note. Le témoin doit donner comme douteux ce qui est douteux, et comme certain ce qui est certain. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.